La mode ça tourne en rond, je suis en fila. T'inquiète pas, je connais très bien ces filles-là. Elle va pomper le sang comme Dracula. Dégagez-moi le passage, je vais trouver là. Tu viens de voir Warano, petit vénard. Toujours à 160 dans les virages. Tu mourras si tu as vu mon vrai visage. Un survivant pour faire passer le message. La nuit c'est fait pour dormir. La nuit c'est fait pour dormir. J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir. La nuit c'est fait pour dormir. La nuit c'est fait pour dormir. J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir. On sait très bien qu'elle n'est pas marquée. Elle fait tout pour se faire remarquer. Forcément tout le monde va regarder. Mais madame est compliquée. On sait très bien qu'elle n'est pas marquée. Elle fait tout pour se faire remarquer. Forcément tout le monde va regarder. Mais madame est compliquée. Tout Paris a vu ta tête. Tout Paris a vu ta tête. Ça t'apprendra à trop se ramper. Maintenant tu sais ce que c'est que le gang. Et tout Paris a vu ta tête. Tout Paris a vu ta tête. Ça t'apprendra à trop se ramper. Maintenant tu sais ce que c'est. Café pimenté, je suis en terrasse, tu voulais piloter. Oui mais hélas, tu t'es fait siroter. Dans un tel axe, tu cries au coup monté. Mais c'est tenace, tu kiffes la plus montagne. Et les villas, les gros bonnets, oh la vilaine. Sans commentaire, Machiavella. Y'a pas de romancier à Marbella. Les types ne connaissent pas Mandela. Ils préfèrent le dernier Panamera. Je chanterai pour ton Umbrella. Moi qui est Funcho à Angela. Mon cœur est cimenté, j'ai le dollar. Dès que j'ai pris mon pied, je tire de la belle avec les îlotiers. Parle au barman, je suis plus proche de Guy Moquet que d'Obama. La nuit c'est fait pour dormir. La nuit c'est fait pour dormir. J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir. La nuit c'est fait pour dormir. La nuit c'est fait pour dormir. J'ai dit la nuit c'est fait pour dormir. On sait très bien qu'elle n'est pas marquée. Elle fait tout pour se faire remarquer. Forcément tout le monde va regarder. Mais madame est compliquée. On sait très bien qu'elle n'est pas marquée. Elle fait tout pour se faire remarquer. Forcément tout le monde va regarder. C'est pas sortir, ah pour moi c'est toujours la pleine lune. Ah je suis dans tous les endroits sordides. Ah la nuit cherche des problèmes, la journée des excuses. Dites à vos agents d'arrêter de m'appeler. T'as cru que je rappais pour jouer dans ton AV. Ma mère se demande si je suis toujours en vie. J'ai dû lui faire croire que j'étais Banksy. Tellement déchiré, faut me sous-titrer. Saper comme jamais, personne devrait s'habiller. À mon meilleur comme ta meuf avant la soirée. Je fais ça salement comme ta meuf après la soirée. Si tu me vois près d'un distributeur habillé, après 22h, c'est pas pour faire un truc bien. En fait, la nuit, c'est seulement pour me fatiguer. Ça me saoule les yeux tellement grosses que j'y vois plus rien. La nuit, c'est fait pour dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. J'ai dit la nuit, c'est fait pour dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. J'ai dit la nuit, c'est fait pour dormir. On sait très bien qu'elle n'est pas marquée. Elle fait tout pour se faire remarquer.